Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'abat. Bonsoir Monsieur Melon. Salut Grigoula. David nos manettes pour une nouvelle émission du secret du son d'abat 3.2. On est reparti dans une nouvelle saison. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux sons. Et des vieux aussi. Et des vieux, bah ouais, parce que on s'attache pas qu'à la nouveauté. Et ça va être un peu le retour, c'est un peu une émission de, quand je relis la playlist là, c'est un peu les retours quoi. On va reparler, on attaque avec Néon. Ouais, ça sent la moyenne d'âge assez élevée en effet. D'autant que là on part aux confins des années 80 et des années 90. Quelque part en Belgique avec Néon, un projet d'un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Bult. Et tout est dit, c'est l'Ignubit. C'est un extrait de la compilation sélectionnée passionnément par Trevor Jackson pour le compte du label Strut. C'est Trevor Jackson Presents Metal Dance Music, Industrial Post-Punk, EBM Classics and Rarities sur la période donc 80-88. On en reparle juste après cet extrait Neon Voices. Thank you. la musique tribale de Courtrai ou de Tournai, je ne sais pas bien. Excellent. Excellent. Neon, totalement évidemment oublié. Je te dis, c'est le retour du New Beat, man. C'est le retour du New Beat. Sur le bord d'une voie rapide, voilà, quelque part dans les Flandres. Cette émission de New Beat, spécial New Beat, avec les maîtres du New Beat français qui étaient en train de discourir sur ce mouvement incroyable. Tu te souviens de ces émissions, Sylvain ? Toujours en ligne, hein, si on va du côté de la Compagnie des Ondes, je pense qu'on peut toujours la retrouver. Monsieur Melon, vous saviez qu'on avait raison. Et voilà, ça y est, 2012, c'est le retour du New Beat. Et c'est grâce au label Strut. Alors, ça n'est pas que du New Beat, on aurait bien aimé d'ailleurs, mais il y en aura peut-être. Ça leur aura peut-être donné l'idée d'aller plus loin et de fouiller dans les décombres de ce mouvement aussi passionnant qu'éphémère. Mais là, voilà, Metal Dance. Alors, c'est cette espèce de voilà. Encore une fois, on est dans quelque chose d'un peu informe entre la musique industrielle. Après les débuts qui a commencé à mettre du rythme, les premiers Chris and Cosey, les premiers Cabaret Voltaire, etc. L'électro américaine aussi qui évidemment est intervenue dans le courant des années 80. Et voilà, il y a tout un pan de ces gens passionnés par la musique industrielle qui se sont mis à faire des rythmes comme ça hybrides, un petit peu au carrefour de ces différentes influences là, et ça donne ces musiques là sur lesquelles on sait pas bien mettre de nom, sur lesquelles on ne sait pas toujours bien danser non plus, qui n'ont pas vraiment connu de succès, qui aujourd'hui ont influencé énormément tout ce qu'on peut entendre avec les revivals qu'on a entendus depuis 15 ans autour de l'électro wave et compagnie, l'électro clash et tout ce que tu veux. Voilà, c'est des mouvements aujourd'hui qui marquent, enfin une musique qui est connue de tous, mais qui doit beaucoup à ces groupes obscurs, que ce soit alors Executive Slacks, Analysis, des gens plus connus comme Need the Herb ou les 23 Skidoo, et puis il y a Alex Alien Sex Fiend, Finny Tribe. Et puis pas mal de trucs complètement, alors là vraiment ressorti des cartons. Il y a un excellent track de John Carpenter, il y a Yellow bien sûr, il y a un morceau électro de Pete Shelley, je suis pas sûr qu'il en ait fait des quantités astronomiques. Enfin voilà, c'est un mélange de, on va dire voilà, de classiques et de rarities, mais plutôt des choses assez peu connues, assez enthousiasmant dans l'ensemble. Joli compil là, chez Strut Records. On poursuit avec Ched. Moi, alors Shed, bah si, on avait passé un extrait, mais tu dormais. Je dormais peut-être. René Pavlovitz. Ah, René. Alors non, c'est René Pavlovitz, mais c'est voilà, Pavlovitz. Donc c'est un garçon qui vit à Berlin, comme de juste. Je sais pas pourquoi nous on vit pas à Berlin, on est vraiment les seuls clampins. C'est son troisième album, après un album en 2010 de Traveler qui avait vraiment connu un petit succès, qui était un excellent album entre électro et techno, tout à fait enthousiasmant. Et là, The Killer va un petit peu plus loin, moi, dans ce que moi j'apprécie en ce moment, c'est-à-dire il puise dans les nappes et les ambiances assez froides, assez glacées du milieu des années 90, du côté de chez Scam, Gescom, etc. Il a tellement fait chaud à Lorient tout l'été que toi t'as besoin de trucs pour te refroidir. Et puis des rythmiques très pesantes mais très appuyées. Et puis un côté assez fantomatique, alors là très prisé en ce moment, que ce soit Dame Dyke Easter, Actress qu'on a diffusé dans une précédente émission, ou d'autres, très inspiré là encore de la scène, on va dire du milieu des années 90 autour de Trésor, de Basic Channel, etc. De toute façon, c'est des musiciens qui doivent beaucoup et à Otekre et à Maurice Wollenswald et Marc Ernestus, les gens de Basic Channel. En tout cas, c'est un album qui est très très réussi. The Killer, c'est sur 50 Weapons. Ça, c'est sorti au cœur de l'été. Et on va s'en écouter un extrait, le morceau qui s'appelle Day After. Un gros tube, selon moi. J'ai dans le secret du son tabac. That's running through my head. Summer, good summer, not bad. That's running through my head. Summer, good summer, not bad. Running through my head. Summer, good summer, not bad. That's running through my head. Summer, good summer, not bad. Drawn into the darkness. And I'll hide. Et bien après, voilà, deux grosses tueries à suivre, hein, je pense, mon cher Greg, après l'excellent Day After de Shed, techno Panzer, mais raffiné en même temps, et puis évident, mais massif et génial. C'est Current Value, le londonien, qui s'attaque au Solstice de Björk. Alors on connaît la recette, c'est un classique depuis le debut album de Björk au début des années 90. C'est donc un album et puis une série de remixes où sont conviés la fine fleur du moment et puis ses proches, puisque certains reviennent d'une fois sur l'autre. Donc là actuellement 7 EP déjà pour on va dire décliner les morceaux de l'album Biophilia, Death Grips qui figure parmi la liste, Current Value pour deux volumes. Enfin, Current Value était déjà présent pour avait fourni un certain nombre de rythmiques et d'éléments pour l'album. Sur l'album, voilà, tout comme 16 Beat qui s'y colle aussi. Matthew Herbert, donc là on est sur quelqu'un qui fait, on va dire, peut-être pas partie de la garde rapprochée, mais enfin c'est un fidèle. Hudson Mohawk, l'Écossais, et puis King Cannibal ou Alvan Otto, pour ne citer que enfin voilà, elle sait évidemment aller chercher les bons. Je me pose la question en écoutant, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les albums de remix de Björk, est-ce qu'ils ne sont pas plus pertinents, plus intéressants que les albums de Björk tout seul? Alors voilà. C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est vrai que moi j'ai du mal à revenir vers l'album autant que je reviens vers les remix en ce qui me concerne, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est le cas en tout cas ici. En tout cas, on souligne une très belle série en tout cas de remix. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur l'album précédent, je me suis assez peu penché sur. Il y a beaucoup de trucs plutôt électro-techno un peu au son compressé là, qui me séduisait pas plus que ça. Je suis peut-être passé à côté de certaines pépites, hein. Mais là vraiment grosse série. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets d'en remettre une couche du côté de chez Björk, qui n'a pas besoin de nous par ailleurs, bien évidemment. On poursuit avec quelqu'un qui a quasiment le même âge que Björki, c'est Bob Mould. Bob Mould, évidemment le leader charismatique de Skurdo et de Sugar, est de retour avec un nouvel album solo qui sort ce 4 septembre 2012 chez Merge Records. Il s'appelle Silver Age. Qui correspond assez bien à son parcours, à notre ami Bob Mould. Long papier, très bon papier, très bon papier dans Noise, qui revient sur son histoire panodine, en tout cas dans le manque de punk rock américain. À l'occasion des rééditions des trois albums de Sugar. Voilà, Copper Blue, Beaster et Feel Under Easy Listening, qu'on présente plus, hein, qui sont pour moi des grands disques des années 90. Et là, c'est vrai que Bob Mould avait lâché donc en 94 Sugar et s'était remis dans sa carrière solo, hein, qui avait déjà connu un épisode entre Use Curdo et Sugar. Et moi je l'avais un peu perdu, écoutant de ci de là les albums, trouvant un ou deux bons morceaux, mais pas trouvé ça à chaque fois suffisant en tout cas pour acheter les disques. Mais là le Silver Age, c'est le retour aux guitares, c'est le retour de Sugar. C'est pas un hasard, il jouait récemment pour les 20 ans de Copper Blue, donc il est complètement dedans. Il joue aux États-Unis Copper Blue et le nouvel album Silver Age, avec un nouveau line-up, avec des petits jeunes qui n'en veulent. L'album est vraiment, moi je l'ai trouvé, il m'a touché en tout cas. Il est pas dingue, mais en tout cas ceux qui ont aimé Sugar et Husker Du, parce qu'il y a un côté très punk rock dedans, hardcore presque, vont s'y retrouver. Super mélodie, super grain de voix, avec quelques digressions un peu plus solo, dirait l'ami Gwen. Moi ça m'a pas du tout choqué. C'était déjà le cas sur Sugar, si on écoutait bien. Voilà, donc voilà. Un très bon cru Silver Age de Bob Mould. On écoute tout de suite le morceau The Descent, le plus sugarien, j'avoue. Vous êtes dans le secret du son là-bas, c'est pas une mission que de vieux, mais des fois on se pose la question. I started out so star we eyed for one hope and one On le tient, le... enfin on va dire, on le tient, le groupe de Lorient qu'on voulait enfin vous diffuser et dire bah oui, il se passe des choses dans notre ville. Voilà, on avait passé il y a une petite paye retour, Jump Rex. Mais là, le premier EP de Deerwolves après une démo vraiment déjà vraiment sympa. Mais là, ils ont passé un cap, les Lorientais, enfin basé entre Saint-Brieuc et Lorient. Ils sortent un premier EP chez Thrillner Records, le gars du Morbihan qui est maintenant Saint-Brieuc depuis un petit bout de temps. Et je cherche le nom de ce foutu EP qui sort donc ce début octobre. Et j'ai mangé, c'est pas grave. Et en tout cas, Deerwolves, voilà, très bon combo hardcore moderne, diront certains, de Lorient. Vraiment, ah ouais, ce morceau était terrible. Est vraiment terrible. Et le reste s'annonce du même acabit. Vraiment, on l'attend de pied ferme. Et on est vraiment très content, en tout cas, qu'il y ait un groupe de cette inspiration, en tout cas, sur le pays de Lorient. C'est cool tout ça. Voilà. On poursuit avec Gaza. Voilà, c'est le taille patron évidemment à côté. Mais Gaza est de retour avec leur troisième véritable album, toujours sur Black Market Activities. Gaza qui s'appelle l'album qui s'appelle No Absolute Inhuman Suffering et Gaza qui reste finalement un peu pas boudé mais incompris on dirait. En France, en tout cas, aux États-Unis, ça commence à avoir de l'allure, leur histoire. Le reste de l'Europe, évidemment, commence à tomber à leurs pieds. Évidemment, la France, toujours un peu lente. Pourtant, comment oublier leur concert dantesque au Ferrailleur, il y a 3 ans maintenant, en première partie de Chiesa et Converge. C'était énorme, avec un deuxième album qui était vraiment très bien, mais un poil en dessous du précédent. Et là, avec le nouveau, il replace la barre hyper haute, enregistré par Kurt Ballou, avec un son d'une densité, d'une complexité assez bluffante. Il faut beaucoup d'écoute, en effet, pour rentrer dedans. C'est faut le digérer, hein, c'est du magma de ronce. Ouais, voilà, et on va écouter un morceau qui s'appelle The Vipers. C'est très difficile à choisir un morceau plus qu'un autre, surtout le début de l'album, c'est un peu une longue mèche, et quand la fin de l'album, ça tout pète dans la gueule. Voilà, c'est sûrement pour moi l'un des meilleurs albums que j'ai entendu là depuis 2012, c'est Gaza, c'est dans le secret du son d'Abba, et c'est une petite tranche rien que pour vous. Yeah. Wata avec le morceau Opération Mistelelo, groupe Rennais, deuxième album. Et oui, et non, plutôt, il n'y a pas que Mermont à Rennes. Voilà, on l'a fait. Avec un album évidemment qui est sorti sur Thrillwinner Records, le label de Saint-Brieuc, on en vient d'en parler. Et avec sur Boo Records, un label de Poitiers, alors j'en profite. L'album s'appelle Atavist of Man. Superbe album, Stoner Doom, sorte de, au début on sort de rip-off d'Electric Wizard, mais évidemment c'est pas que ça, et c'est tout le tout ce qui fait le charme de cette formation rennaise, vraiment hyper classieux je dis, avec de, un esprit post-sataniste, un peu étrange, avec des effluves un peu psychés des fois, évidemment la basse reste Black Sabbath évidemment, mais vraiment un truc bien à eux, et vraiment c'est un très beau projet que je rêve de voir en concert, je vous cache pas, là du coup on n'est pas loin. Ils ont joué au Roadburn en printemps 2012, ils viennent de, d'une belle tournée en Espagne, voilà, je, vraiment il me tarde de les voir, a priori en concert ils ont un son vraiment à tuer les cochons et vraiment très très beau. Wata, voilà, que je conseille vivement et c'est parfait quoi. Et on retourne chez les vieux. Voilà, après, après ce déluge de bubblegum, un peu de fureur et de frénésie, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, on va pas ralentir le tempo, on va rester dans l'électricité, noise rock, l'urgence, la bave aux lèvres, comme diraient certains, avec le retour de Nick Sakes et cette fois-ci accompagné de sa femme. De sa femme, de sa compagne. Ah non, mais ils sont mariés. Ils sont mariés, Nick Sakes, ouais. Donc, Dazen Killman, voilà. Le trio infernal est donc jamais 304. Xadax désormais, un album où il n'y a pas grand chose à redire, c'est, il va à l'essentiel, ça bastonne, et puis quand on croit que ça va rester droit, ça se barre en queue de poisson, en sucette, avec ses vrilles un peu électroniques là, qui serpentent au milieu des morceaux, tout ça est assez... assez resserré, ça bastonne bien, c'est des morceaux assez courts, l'album passe tout seul. C'est Counter Clockwork sur Skingraft. Bah oui, là on retrouve les bons amis. On n'est pas perdu, c'est vraiment voilà, du très bon noise rock, comme tout on l'aime, fait. Sinueux. Urgent, un peu, il y a un truc qui se passe qui fait c'est pas du punk rock. C'est voilà, mauvais. On sent que c'est, la vie est pas cool, et Nick Sake pourtant, voilà. X-Train sur l'album Counter Clockwork de Xadax, dans ce cas ils sont là-bas. Eh ben, on va payer cher pour aller les voir. Hein. Là, la série Gaza, Wata, Xadak, Shining, elle défrise. Ouais. Shining, donc dans le secret du son d'Abba, ça n'est pas une nouveauté, c'est juste qu'on l'avait sous le coude et je ne sais pas bien pourquoi on a tardé et voilà, en tout cas, c'était important de le passer, je pense quand même, ça laisse un peu sans voix, le batteur avec ses cinq bras, le morceau qui n'en finit pas de monter et tout l'album est à l'image de ce titre, Helter Skelter, l'album Black Jazz sorti il y a déjà 2 ans. Mais qu'importe. Il y a eu un DVD et un live Black Jazz en 2011 qui avait d'ailleurs donné lieu à une petite mise en lumière en France via Noise Magazine. Là, je me penchais dessus à nouveau. C'était assez savoureux de savoir qu'ils avaient pu financer ce DVD, ce live, grâce à un télécrochet gagné et qui leur avait donné l'occasion de jouer en première partie de AA devant le public norvégien, puisque Shining est un quintet, si je ne dis pas de bêtises, norvégien. J'imagine la tête des spectateurs venant voir AA. Voilà, donc cinquième album, en l'occurrence ce Black Jazz pour Shining, vraiment celui qui leur a permis de toucher peut-être un peu plus de monde avec, voilà, encore une fois on est dans le crossover, alors là, ça va chercher aussi bien du côté des références black que du côté des références voilà, du type Fantomas, Mr. Bungle évidemment, du côté de chez Mike Patton, pourquoi pas John Zorn aussi, puis beaucoup de jazzmen aussi les ont influencés, à commencer par Pharoah Sanders ou j'imagine Sun Ra, John Coltrane et d'autres. Et puis moi je pense aussi sur le traitement du son, on peut difficilement éviter de penser à Trent Reznor sur des côtés vraiment très très directs, parce qu'il y en a aussi avec des parties vocales moi qui m'ont fait penser quand même à Nine Inch Nails. Donc joli mélange, super riche en kilojoules. Ouais, je pense que s'ils arrivent à tourner, je pense que ça va faire, à mon avis, ça va exploser hein, ce truc. Bon, Black Jazz, donc c'était chez Indie Season of Mist. On poursuit et on se calme enfin. Ouh. Avec le retour très attendu de Flying Lotus, le Californien qui avait mis une pêche à tout le monde avec son précédent album, deuxième album sorti chez Warp il y a maintenant 2 ans, le temps passe vite, mon cher Melon, et il revient avec un nouvel album qui sort le 1er octobre et qui s'appelle Until the Quake Comes, ou un truc comme ça. Il n'a pas complètement disparu entre temps, hein, parce qu'il y a eu, je sais qu'il anime, je crois que c'est lui qui anime Brainfeeder, le label du côté de Los Angeles. Là, bien sûr, il est ultra activiste, il disparaît pas entre deux albums chez Warp. Et la preuve, il vient de faire un petit EP avec un collectif hip-hop californien qui s'appelle Napalm Click, et on va en écouter un extrait qui s'appelle Right and Exact, et qui donne, vous allez voir dans le traitement des sons, une petite idée en tout cas de là où il en est, Flying Lotus, là, avant de sortir ce nouvel album. Les extraits qu'on a pu entendre de ce nouvel album recoupent ce qu'on va entendre. Voilà, on y est, Flying Lotus est de retour et à vrai dire, je salive d'avance. Flying Lotus dans le secret du son là-bas. Hey, alright, so put the clock on like 30 minutes and let's make this song for 30 minutes. If we have all night, 30 minutes is not too long to dedicate to it. This is finish the song. I hope we can keep going though. And go back to it. Alright. Get on that shit. Remember the goals? Still be there. Right, remember my goals. Do the framework, like the recording framework. Look what we're doing right now. I feel you. Yeah, so let's just let it roll. And then when we listen back, we'll spit that shit all right and exact. We'll spit that shit all right and exact. Listen back, we'll spit that shit all right and exact. Right and exact. Spit that shit all right and exact. Listen back, we'll spit that shit all right and exact and intact. Zigzag, zickala, lyrical enigma. Boy, I'm the plot twister, the thought provoking, the well spoken, the blunt smoking, the straight from Oakland. What you know about me from here to Hoboken? I'm getting down, I'm getting loose. I'm getting my crown, cause I'm the king. When I step in the ring, Zulu Nation, what you saying, elevate. Never on the plantation, raising my nation. To think way brighter, get higher than a kiter. Do your math, listen to the angles from the left to the right. I spit it right and exact. I spit it right and exact. I spit it right and exact. I spit it right and exact. When you rip that shit back, I spit it right and exact. When we play the shit back, right and exact. Right and exact. Play the shit back. Play the shit back. played that shit back, the first thing I thought is I like how it goes. And then I froze, man, took some no-dos. I stayed up all night, I listened to it like a doze. Zen times at night, it was all the things that I like. Crumbled into one little ball, the best CD that I ever saw. Shittier and funkier than the illest shower stall. It's never been clean, you know what I mean? Practice what I preach, man. Hotter than steam, got my team. Napalm Click is on the scene. Oakland to Guahan, that's what I'm on. I'm born cause that's what I'm from. Tree cause the deepest root is coming from my feet. Got so shit sweet. Serious beat. Sweet, bright and exact, sweet. Power up. Fucking with these video game beats, man. These Dragon Ball Z beats, right? Yeah, man, these fucking video games, man. Man, this shit cost me a motherfucking 25 cents just to bust a rap. How about Japanese animation and shit? Hey, man, I want a rap. Right and exact. Thank you. Utsunmo qui accompagné de Lunis forme Tonight. On vient d'extraire un extrait de qui s'appelle Goût, tiré de leur EP, sorti chez Warp en plein été 2012. Grosse boulette. Tube incendiaire qui a fait soulever le festival de Dour. Qui voilà, ce proto dubstep, ce post boom bâton, je sais pas quoi. Enfin en tout cas, voilà, c'est en pure trip bass music Utsunmo que file la trick et on attend déjà la suite avec beaucoup d'envie. Voilà, il y a évidemment un gros buzz sur ce truc là, voilà, mais c'est vrai que c'est assez formidable. Il faut bien le dire. Warp est sur le coup à nouveau. Ah bah oui, bah oui, ouais. Évidemment. Évidemment. Bah tant mieux, hein, moi je préfère que ce soit eux. On termine. On termine avec un peu de douce terreur, avec le cinquième album de KTL au prix au calme. Indécent, puisque c'était un tirage à 300 exemplaires que tout le monde s'arrache et il vous en coûtera pas moins de 50 euros pour vous le procurer. Double vinyle. Terrible, mais c'est comme ça, c'est la politique d'édition Mego, on leur en veut un mort. On le dit très clairement. Mais voilà, cet album, je trouve tout bonnement, moi, génial. Je fais pas partie des gens qui font la moue. Je trouve que les trois premiers morceaux sont dans la série des oscillations, des sinuosités, des drones et autres. Donc ils nous avaient habitués. Autres, paysages désertiques. Voilà, c'est du first choice. Et puis, on a le cinquième morceau avec... cette espèce de guerre psychologique intérieure avec un texte complètement flippant signé et lu surtout par Jonathan Capdeviel, l'acteur français. Et puis au milieu de tout ça, on a Feel To ou Feel Tsai, je ne sais pas, puisque on est dans un combo qui réunit un Américain et un Autrichien, hein, KTL. Donc, et puis qui fait appel pour le coup au City of Prague Philharmonic, conduit par Richard Hein et avec une participation orchestrée par Johan Johansson, qu'on a eu souvent l'occasion d'écouter, l'Islandais, le compositeur islandais. Donc on est dans quelque chose qui... typiquement mêlant justement les drones de KTL avec les montées grandiloquentes propres à l'islandais, c'est du pur bonheur dronesque. Le soleil noir à l'état pur, une pépite comme seul KTL et Johan Johansson pouvaient en produire. On s'écoute ça pour terminer, c'est un peu long mais je vous conseille de rester jusqu'au bout. On vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. En tout cas, on vous dit à très bientôt dans le secret du son d'Abba. Je pense que c'est à la rentrée, vous entendez du tube là, c'est que de la boulette. Allez-y, revenez-y. À très bientôt.